consommable, donc t'assumes ton manque. Le boulot, ça fait chier avec ta clientèle de branche. Sur les ondes hertziennes, que des merdes. Toute la journée, c'est l'enfer sur terre. Et toi, bien sûr, tu veux pas t'y oublier. T'évacues et t'attrapes sur le cul tout ce que tu voudrais avoir fait. Malheureusement, t'as pas vécu. On se rassure comment on peut s'imaginer mieux des potes qu'on a. La vie devrait être hot comme un bon film de Laetitia. Je dis pas ça pour tous, mais les gens sont tristes. Bien souvent égoïstes, limite nazis, voire pourri fini. Depuis que le monde est monde, on poursuit tous le même but. Expérimenter les plaisirs interdits, mais chut. On se dit civilisé, mais on se renifle comme des chiens. Les regards ne trompent pas les ailés, espèrent mettre des mains au panier. Du fantasme à la réalité, il n'y a qu'à pas. Franchis-le allègrement, tu pourras pas tomber plus bas. Laisse grossir, j'ai plus de force, tu m'as vidé. Et comme d'ici bien peu, des vidéos plus inspirées. Je finisse mon texte pour les neurones en HP. J'ai encore des choses à faire, mais c'est pas moi l'obsédé. Laisse grossir, j'ai plus de force, tu m'as vidé. Et comme d'ici bien peu, des vidéos plus inspirées. Je finisse mon texte pour les neurones en HP. J'ai encore des choses à faire, mais c'est pas moi l'obsédé. Clara Morgan, leur Sinclair ne sont pas vulgaires. Font leur travail avec application comme d'autres font la guerre. Si c'est pas leur choix, moi je vois leur clone à chaque coin de rue. Si elles font des émules, tant mieux. Moi j'ai un autre point de vue. Pas demander aux vidéoclubs, c'est pas en plus grande quantité. Devine à combien d'exemplaires de vidéos est tiré. C'est partout en affiche que tu dînes pas maté. Quand douce tu vas décoller pour afficher au local et frimer devant tes potes, et tu voudrais même leur faire croire qu'au fond tu n'as éprouvé qu'en tard le soir. Mille acrobaties pour amener un bout de papier. Et ta mère et ta girl, si elle savait. Pas pour plus cacher pour affirmer sa différence. Pas comme nos aïeuls hypocrites qui prônent l'ignorance. La discussion n'a pas lieu d'exister comme la guerre. Tu veux des conseils? Va voir les putes et laisse-toi faire. Laisse grossir, j'ai plus de force, tu m'as vidé. Et comme d'ici bien peu, des vidéos plus inspirées. Je finisse mon texte pour les neurones en HP. J'ai encore des choses à faire, mais c'est pas moi l'obsédé. Laisse grossir, j'ai plus de force, tu m'as vidé. Et comme d'ici bien peu, des vidéos plus inspirées. Je finisse mon texte pour les neurones en HP. J'ai encore des choses à faire, mais c'est pas moi l'obsédé. L'échangisme rallie en masse, le SM assez précepte. Y'en a pour tous les goûts, ouais. Même pour la jet set, on boit, on monte tout. Moi aussi quand je suis bourré, j'ose tout. L'alcool en intraveineuse, j'aime la faire, un point c'est tout. Mais tu restes planté là, y'a trop de plans dans ta tête. Là que tu méfies, elle m'allume encore, c'est la braguette que je pète. Avec tes potes, tu fais la vedette, mais avec elle, ce sera solo. J'ai de l'eau, quel d'agneau, compte pas sur eux pour tirer le gros lot. Tu vas te faire descendre, si t'assures pas ton coup, elle est hardcore, c'est clair. On dirait qu'elle tient plus du loup que de l'agneau. Lingerie, pimba et tout ça, c'est bien chaud. Mais qu'est-ce que tu crois, les filles aussi sont adeptes des vidéos. Elle se rapproche, te pipe et te présente sa copine. Va falloir que tu t'y fasses te faire travailler ta mine. Chez elle, indique une caresse, t'as déjà taché le caleçon. Enfoiré, tu peux courir pour ta réputation. Laisse-en aux os, j'ai plus de force, tu m'as vidé. Et comme d'ici bien feu, des vidéos plus inspirées. Je finisse mon texte pour les neurones en HP. J'ai encore des choses à faire, mais c'est pas moi l'obsédé. Laisse-en aux os, j'ai plus de force, tu m'as vidé. Et comme d'ici bien feu, des vidéos plus inspirées. Je finisse mon texte pour les neurones en HP. J'ai encore des choses à faire, mais c'est pas moi l'obsédé. Laisse-en aux os, j'ai plus de force, tu m'as vidé. Et comme d'ici bien feu, des vidéos plus inspirées. Je finisse mon texte pour les neurones en HP. J'ai encore des choses à faire, mais c'est pas moi l'obsédé.